à la plage, sous le soleil, dans l'eau, dans la piscine, dans une librairie. Ben moi, c'est toujours pas ce que je veux boire. Je mets mes chaussettes. Je mets mes chaussures, je dois les lacer. Je prends mes clés, j'ouvre la porte, je sors. S'il y a quelqu'un dedans, je ferme la porte. Si je claque la porte. Si la personne est dedans, je claque la porte et je tourne la clé deux fois pour verrouiller. J'appelle l'ascenseur, la plupart des cas. Je rentre dans l'ascenseur, j'appuie sur les boutons RC, je descends au rez-de-chaussée, j'ouvre la porte en verre, je prends mon vélo ou pas, je me dirige vers la grille, souvent j'ouvre ma boîte à lettres avant de sortir, et puis faut appuyer au bouton pour ouvrir la grille. Et puis, je suis dehors de chez moi.